radio. Yeah, it's a morning time affair. Shug it. À la radio. Fun radio. Yeah. Et nous allons maintenant faire la déclaration express. On aurait dû avoir Jérôme. Malheureusement, c'est le répondeur. Il n'a pas eu les corones d'appeler Olivia, sa copine. Alors, c'est copine ou future copine, Lob? Alors, en fait, ils se sont rencontrés en boîte il y a quelques jours. Donc, il voulait lui faire une déclaration express comme ça. D'accord, ok. Mais ils sont déjà ensemble? Ils sont pas sortis ensemble, non. Ah, ouais, d'accord. Donc, il aimerait bien, là. Il a un petit peu approché, quoi. Mais... Ouais, mais le problème, c'est que si tu veux, si déjà il est pas à l'antenne, ça va être dur. Mais enfin, bon, tant pis pour lui. Hein. On a essayé de l'appeler, c'est son répondeur. Bah, tant pis, c'est pas grave. On va directement appeler Olivia. Donc, lui, c'est Jérôme, 18 ans de la Louvière. Et elle, c'est Olivia, 21 ans de la Louvière également. On appelle maintenant et on lui fera cette déclaration express, live and direct, bien sûr, avec Lob qui va chanter. Si on tombe sur son répondeur, bah, lui laissera un message, c'est pas grave. Ça ne sonne pas du tout, comme ça on est bien avancé. Parfait. Allez. Allô. Allô Olivia. Oui. Bonjour Olivia, je te dérange pas? Non. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Dis-moi, je t'appelle de la part de Jérôme, tu connais Jérôme? Oui. Voilà, que tu as rencontré il y a pas longtemps en boîte là. Oui, oui. Bon, il aurait dû être à l'antenne avec nous, hein. Malheureusement, cet idiot n'a pas eu les corones d'être là en direct. Ah non, mais les hommes n'ont plus mais aucun courage. Bah oui, mais c'est ça, c'est fini. Hein. Et donc, en fait, il voulait te faire ce qu'on appelle chez nous la déclaration express, et je te propose de l'écouter. Écoute ce qu'il avait à dire, on te reprend juste après. Ça fait plus ou moins 3 jours qu'on s'est rencontrés dans une boîte de nuit. J'avais bu, j'étais relou. T'étais avec ton grand frère, celui qui est champion de boxe thaï et de musculation. Il m'a dit non, ne fais pas le con, sinon c'est lui qui me pètera l'oignon. Oh non, t'inquiète, je serai mignon. Oh bah alors. C'est mignon ça comme déclaration. Non mais il faut savoir que on a fait la libre antenne hier soir et que je m'attends. Là je me suis fait chier avec cette déclaration express. Ah, ça change. Par rapport à celle d'hier qui était quand même rude, hein, hier soir. Bon alors du coup Olivia, qu'est-ce que tu penses de cette petite déclaration express? Ah bah c'était pas mal. Non bah c'était mignon. C'est dommage mignon, qu'on a. Oui. C'est dommage qu'on a pas Jérôme. Hein. Mais bon maintenant qu'il est pas là physiquement entre nous, tu penses quoi physiquement de lui? Pardon? Je dis maintenant qu'il est pas là physiquement, tu penses quoi de lui? De Jérôme. Ouais de physiquement. Une place c'est bien. Pourquoi s'il était pas à l'antenne? Ça, c'est bien dommage. En plus, mais Olivia, tu sors avec des petits jeunes là, bientôt tu vas les prendre au berceau, il a 18 ans. Ça se trouve il a même pas de voiture, il a pas d'argent, enfin il sert à rien quoi. Oh l'argent, comme si l'argent nous intéressait, arrête avec ça. De quoi? C'est pas grave. Bah, tu dis ça au début, mais quand tu vas devoir payer des restos tout le temps, tu vas voir. Tu parles pour ta copine, Mickaël? Non, pas du tout. Bon, Olivia. Oui. Eh bien, écoute, je vais te laisser seule, puisque Jérôme n'a pas été là pour te soutenir et te récupérer hors antenne, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, je te fais des gros bisous quand même, Olivia. Je t'embrasse. Merci. Et à bientôt sur Fun. Ciao à toi. Et puis, bon, bah, tant pis pour Jérôme. Si vous voulez, vous aussi, faire une déclaration express, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. 30-44, pardon, c'est 50 centimes le message. Mettez déclaration dans le message et on vous rappellera. Vous faites un mail directement, évidemment, à Lob. Ça se passe sur loeb@funradio.be. Mickaël à la radio. Fun Radio. Elle à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé celui-là. Mickaël à la radio. Fun Radio. Vous êtes toujours là, Roberto? Bah oui, évidemment que je suis toujours là, que je cherche le prochain lieu pour mon tournage, que ça va être magnifique. Oui, non, calmez-vous. Donc Roberto, qui est réalisateur de films pour adultes, et il a vu une info où un couple aurait fait l'amour en sautant en parachute, et du coup, bah, il veut faire la même chose, en gros, c'est ça. Hein. Non, pas moi, l'acteur et l'actrice qui vont faire les sauts de linge dans les vides, que ça va être beau. Non, oui, d'accord, non, mais on avait compris. Bon, allez, on appelle un autre site de saut. On avait appelé à Spa tout à l'heure. On va appeler où maintenant, là? On va appeler à Soirlet, que je sais pas où c'est, mais qui paraît que c'est pas fait pour faire les films. D'accord, ok, très bien. Allez, c'est parti, on appelle maintenant à Soirlet. Allez, c'est parti, ça sonne. Allô? Allô? Allô, bonjour madame, que c'est Roberto à l'appareil. Que je vous appelle pour savoir si c'est bien vous que vous faites les sauts en parachute. Oui. Oui, voilà madame, je vous appelle pour savoir si vous êtes au courant de cette histoire qui se passe aux États-Unis où les messieurs, la madame, ils sautent avec les parachutes et ils font l'amour pendant la descente. Un instant, je vous passe quelqu'un. Oui, pas de problème madame. Ah, ouais, très bien. Charmante dame. Oui, très charmante. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur. Que c'est vous le responsable? Oui. Oui, voilà, je vous appelle. J'ai demandé à la dame, en fait, voilà, je suis Roberto, je suis grand cinéaste de la fesse, de la qui, enfin, bon, tout le reste qui va avec. Et je voudrais, en fait, faire le remake du saut qui s'est passé aux États-Unis où les messieurs et la madame, ils ont fait l'amour pendant la descente. Oui. Et moi, je voudrais savoir si c'est possible de faire ça chez vous. Oui, bien sûr. D'accord, c'est possible qu'on fasse les sauts et que ça soit filmé pendant la descente, que comme ça l'acteur et l'actrice, ils font l'amour pendant la descente. Tout à fait. D'accord, c'est parfait, c'est parfait. Et vous avez, vous, les caméramans qui pourront tourner autour, parce que moi, j'ai les vertiges, je ne peux pas monter, hein. Non, mais ça, on a les caméramans. Hein, vous avez les... C'est... Hein. Ah, mais écoutez, c'est parfait. Est-ce qu'on peut prendre les rendez-vous pour faire peut-être les petits tours techniques avant de faire les grands sauts? Quand vous voulez. Écoutez, si c'est possible demain, moi je viens, on regarde, on voit, je viens avec l'acteur, l'actrice, il vous montre comme ça, petite démonstration de comment ça va se passer dans les airs. On voit si c'est possible, et si c'est possible, alors on tourne la scène, disons, la semaine prochaine. Mais écoutez, moi je serai présent demain vers 8h30. Très bien, eh bien, écoutez, je serai là, je viens et on regarde ça ensemble. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie la sympathie, monsieur. Vous êtes très gentil et on se voit demain pour le tournage. Hein? On fera la petite répétition. Ok, voilà. Merci. Parfait, je remercie. Bonjour, monsieur. Au revoir. Au revoir. Non mais c'est la lue quand même. Ah mais ils sont assez c'est pour, un hein. Truc de dingue, les mecs ils tombent dedans à chaque fois quoi. Ah oui, ils sont pour en plus. Mais c'est donc, ça. Je pense qu'ils ont envie de mater aussi. Ouais, après il y a peut-être aussi ça. Nickel à la radio, le replay. Fun Radio.